L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Ce soir, c'est la playlist de Noël sur Osmose Radio, puisque le temps avance, décembre s'écoule et les fêtes de fin d'année approchent. Soyez les bienvenus sur Osmose. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans l'heure du loup pour, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, comme ça a été dit aussi sur le site d'Osmose et sur le Facebook, ce soir, c'est la playlist de Noël de l'heure du loup. Et pour commencer, de manière assez péchue, hein, j'en conviens, c'était les Burning Heads avec le titre Christmas Day. Les Burning Heads du punk français, un groupe qui était en concert il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, du côté d'Avignon. Je vous en avais parlé à ce moment-là, et Burning Heads, hein, ben, ça veut dire les têtes brûlées. Et têtes brûlées, eh bien, il faut l'être pour aller dans les grands magasins en cette période des fêtes de fin d'année. Si vous êtes obligé d'y aller, je vous souhaite bien du plaisir. Mais bon, du plaisir, nous, on va continuer à en prendre en musique ce soir à partir de 19h, comme tous les mardis soirs. C'est votre playlist rock et new wave, et dans l'heure du loup, ce soir, donc encore un petit peu de Noël pour continuer avec le groupe MXPX et le titre Christmas Night of Zombies. Buy a new wet Christmas Night of Zombies par le groupe MXPX, un groupe punk basé à Seattle aux États-Unis qui tourne depuis le début des années 90. C'était extrait d'une compilation, qui a pour thème Noël d'ailleurs. C'était un jeu de mots tout pourri, Santa Claus Punk Rock Xmas. Santa Claus, hein, la cause du Père Noël au lieu de Santa Claus bien entendu. Et donc c'est une de ces compilations ou de ces albums d'artistes que les Américains et les Anglo-Saxons en règle générale aiment bien sortir pour la période des fêtes. Alors des fois c'est parodique, des fois c'est juste des cantiques chantés de manière un peu plus sérieuse, des fois un peu plus pourrie aussi quand c'est des artistes comme Mariah Carey. Certains artistes de métal aussi s'y collent. On a régulièrement Alice Cooper qui nous fait des cantiques de Noël, mais bon, à la version Alice Cooper bien entendu. Et voilà, donc c'était une petite entrée en matière assez punkoïde, j'en conviens, pour cette playlist thématique. Hein, si vous écoutez l'heure du loup depuis quelques temps déjà, vous savez que j'aime bien ça, faire des playlists qui correspondent à ces moments de l'année pour lesquels on s'amuse. Et donc, ben, en fin d'année, pour la période des fêtes, j'avais envie de faire une playlist en clin d'œil à Noël et donc à tout ce que ça recouvre et ça génère pour nous, chers amis. Alors, on va continuer avec on va s'inspirer des États-Unis avec une parodie justement faite par un animateur radio de New York qui s'appelle Mike Puccio et qui, anime les ondes du côté de Manhattan, tout ça, et qui fait des parodies. Et pour Noël, on avait fait une d'ailleurs qui est en libre téléchargement sur Internet. Évidemment, je vous mettrai toutes les informations sur le Facebook de l'heure du loup, que vous pouvez consulter si vous n'avez pas de page Facebook vous-même. Je vous le dis, que ce soit clair pour tout le monde. Et Mike Puccio donc a fait une parodie. Au lieu de dire « We wish you a Merry Christmas », il a dit et il a parodié « We wish you a Zombie Christmas ». We wish you a zombie Christmas. We hope that you have a death wish. We wish you a zombie Christmas, 'cause you won't see next year. The biting begins, you'll pay for your sins. The bitings of zombies will destroy your new year. We hope that you get the warning, these zombies will do some killing. We hope that you hide your children, or they'll be the next meal. Your brains are gonna eat them, your brains are gonna eat them. Your brains are gonna eat them, it'll screw your career. We wish you a zombie Christmas. We hope that you have a death wish. We wish you a zombie Christmas, 'cause you won't see next year. The biting begins, you'll pay for your sins. The biting of zombies will destroy your new year. We wish you a zombie Christmas. We hope that you have a death wish. We wish you a zombie Christmas, 'cause you won't see next year. We wish you a zombie Christmas. We hope that you have a death wish. We wish you a zombie Christmas, 'cause you won't see next year. Thank you. Christmas finally comes and no one's got a gun, and you think it might be fun to make a stand. Think again, man. À l'instant, les White Stripes avec le titre Candy Cane Children. C'était enchaîné juste avant avec un titre parodique, Mike Puccio, et le titre We Wish You a Zombie Christmas. Une parodie évidemment d'un cantique traditionnel, We Wish You a Merry Christmas. Même sans être particulièrement courant en anglais, hein, sans avoir forcément une très bonne compréhension de ce langage-là, vous pouvez sans doute comprendre les gags, hein, puisque on disait les zombies vont te bouffer le cerveau pour Noël, tu ne verras jamais la prochaine année, patati, tatata, etc. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de délire un peu zombiesque avec lequel j'ouvrais cette émission. Et effectivement, forcé d'admettre, hein, que quand vous allez dans les centres commerciaux pendant la période des fêtes, les zombies, c'est un petit peu ce à quoi ressemblent les clients. Mais bon, ça n'engage que moi. Les White Stripes, pourquoi j'avais envie de vous passer ça? Bah parce que le rouge et le blanc sont les couleurs traditionnelles de Noël. Et donc, à plus forte raison, les couleurs traditionnelles des White Stripes, hein, ce groupe qui aura illuminé avec ses balades rock les années 2000. Un groupe de Détroit, et avec cette chanson Candy Cane Children qui était sortie en single, en fait, qui n'était pas sur album. Candy Cane Children, les Candy Cane, vous savez, ce sont les sucres d'orge blancs avec des rayures rouges qui elles aussi sont associées traditionnellement à Noël. Et Candy Cane Children, hein, les enfants, eh bien, c'est ce qu'on aime ça dans l'heure du loup, hein. Surtout leurs entrailles. Et tiens, ben c'est pas avec des enfants qu'on va continuer, c'est avec leur grand-mère. Et à ce propos, j'aimerais répondre à Laurence. Laurence, ma collègue d'Osmose Radio, qui anime le vendredi soir l'émission Entre les Lignes, qui insinuait comme ça tout à l'heure sur Internet que parce que j'animais l'heure du loup, j'en étais un grand méchant moi-même, et que j'allais me repaître de la chair faisandée des grand-mères. Ben, je dirais tout simplement que c'est même pas vrai. J'attends pas qu'elles soient mortes pour les bouffer, je dévore leurs entrailles vivantes, hein. C'est quand même meilleur quand ça palpite. Et donc tout ça pour dire que, ben oui, hein, les grands-mères, c'est avec ce thème-là qu'on va continuer avec les Merry Widows. Widows, ça veut dire les veuves, hein. Merry, ben, vous savez ce que c'est, hein, les joyeuses veuves. Et c'est avec le titre Grandma Got a Run Over by a Reindeer. Mamie s'est faite écraser par un attelage de cerf. Ben, faut croire que le Père Noël des fois picole, qu'il est bourré et que c'est un vrai chauffard. Et donc c'est avec un extrait de cette compilation Psychobilly Christmas, hein, et encore une compilation thématique comme celle dont je vous parlais tout à l'heure, Psychobilly, donc différents groupes de psycho qui se sont réunis pour faire des parodies de cantiques de Noël, pour voir composer, faire des reprises ou bien composer de nouvelles chansons un petit peu dans le thème des fêtes de fin d'année. Et c'est notamment le cas de ce morceau avec lequel on va continuer, donc où les grands-mères se font joyeusement écrabouiller, les pauvres, alors qu'on leur doit tant pendant la période des fêtes. C'est souvent elles qui cuisinent d'ailleurs. Grandma Got Run Over by a Reindeer, tout de suite les Merry Widows. Been drinking too much eggnog, and we begged her not to go, but she forgot her medication, and she staggered out the door into the snow. When we found her Christmas morning at the scene of the attack, she had her prints on her forehead and incriminating claws marks on her back. So proud grandpa, he's been taking this so well. See him in there watching football, drinking beer and playing cards with Cousin Belle. It's not Christmas without grandma, all the family dressed in black, and we all can't help but wonder, should we open up her gifts or send them back? Grandma got run over by a reindeer, walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Now Now the goose is on the table, and the pudding made of fig, and the blue and silver candle that was just to match the hair in Grandma's wig. I warned all my friends and neighbors, you better watch out for yourselves. They should never give a license to a man who drives a sleigh and plays with elves. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house, cause you see, you can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house, cause you see, you can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. As for me and Grandpa, we believe. Détresse amitié, joyeux Noël. Allô? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe ma collaboratrice. Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse. Ça ne nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça ne nous intéresse pas. Thérèse n'est pas moche, c'est juste qu'elle a pas un physique facile. Et on vous répète aussi d'ailleurs que le Père Noël est une ordure, mais vous continuez à y croire, vous êtes vraiment pas des gens sérieux. Vous êtes des auditeurs d'Osmose Radio. À l'instant, c'était, évidemment, vous l'aurez reconnu, un petit intermède de ce fameux film, Le Père Noël est une ordure, avec Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Tutti Quanti. Et juste avant, c'était donc 2 morceaux très rock'n'roll enchaînés, les Merry Widows, Grandma Got Run Over by a Reindeer, Mamie s'est fait écraser par un traîneau à rennes, décidément le Père Noël picole un peu trop. Et c'était un extrait de la compilation Psychobilly Christmas. Et enfin, c'était Lemmy Kilmister, le fameux chanteur du groupe britannique Motorhead, qui faisait une reprise de Chuck Berry, une chanson composée dans les années 50 par Chuck Berry qui s'appelle Run Rudolph Run. Alors Rudolph, vous savez, c'est un des rennes du Père Noël dans la tradition, bien entendu. Et donc, cours Rudolph. Et c'était une reprise de Lemmy Kilmister sur la compilation We Wish You a Metal Xmas and Headbanging New Year. 2 compiles qui sont toutes les 2 sorties en 2008 et dont je vous donnerai les références. Si ça vous intéresse, vous êtes de retour sur Osmose Radio, les amis. Vous êtes bien dans l'heure du loup pour encore une demi-heure de rock, de new wave, de metal, de folk. Et ce soir, dans la thématique de Noël, puisque les fêtes de fin d'année approchant, j'avais envie d'aborder tout cela en musique. On va aller, alors là, on était avec un chanteur qui s'illustre dans le rock assez rude, assez rugueux, et voire dans le metal. Eh bien, on va continuer avec un groupe de metal encore, mais qui est plus influencé par le rock gothique, un groupe grec assez intéressant qui s'appelle The Illusion Fate. Qui a appelé son prochain morceau très sobrement The Christmas Song. Thank you. your door, outside your window. Snow is falling upon the solitary shore. Outside your door, outside your window. Forgotten hearts stay in the dark. We'll be right back. Hill, un très beau morceau, je trouve, du groupe Ishtar, un groupe de métal de Nouvelle-Zélande, qui est emmené par la chanteuse Simon Whitlow, qui a, je trouve, une superbe voix. Et s'est enchaîné juste avant avec un groupe grec, celui-là, un groupe de métal, là aussi, de métal avec des influences gothiques, assez calmes, etc. The Illusion Fades, avec le titre The Christmas Song. Christmas, Noël, c'est le thème ce soir, vous l'aurez compris. Et je voulais insister sur le fait, justement, que Noël, à la base, et même encore aujourd'hui, n'a absolument rien de chrétien. Hein. C'est un vernis monothéiste qui a été mis sur des traditions bien plus anciennes. Et Ishtar, justement, bah, c'est le nom du groupe qu'on vient d'écouter, un groupe que j'aime bien. Mais c'était aussi le nom d'une déesse babylonienne ou assyrienne, je sais plus, qui avait beaucoup de succès et dont le culte était très répandu dans l'Empire romain au moment où l'Église essayait de prendre le dessus sur tous ces cultes divers et variés. Donc il y avait Ishtar, qui était une déesse orientale, qui est une déesse de fécondité, tout ça, qui a été fêtée justement à la fin du mois de décembre et dont les célébrations avaient lieu à ce moment-là. Il y avait des rituels, des fêtes païennes, etc. Et donc effectivement, autant de choses dont l'Église catholique avait des ambitions un petit peu de monopole ne s'accommodait pas trop et donc a co-circuité tout ça en instaurant Noël et la naissance du petit Jésus, enfin la naissance supposée, hein, à la fin du mois de décembre, donc pour s'approprier les cultes qui existaient déjà à l'époque dont je vous parle d'Ishtar. À l'époque de l'Empire romain, là encore, il y avait un autre culte qui avait beaucoup de succès, c'était le culte du soleil invaincu, Sol Invictus en latin. Là encore, c'était un culte qui a été co-circuité par l'Église catholique naissante. Et donc voilà, je tenais quand même à préciser ce fait, pardonnez-moi ce mouvement d'humeur, mais vous voyez là les emmerdeurs qui ont voulu rebaptiser les vacances de Noël, vacances d'hiver, les gens qui s'offusquent de la présence des crèches dans l'espace public, etc. etc. Oui, on est un pays laïque et j'en suis pas peu fier d'ailleurs, même si parfois il y a quelques excès, et quelques extraits de bêtises aussi. Et par contre, on est dans un pays d'histoire chrétienne et surtout avant ça d'histoire païenne, et ça je tiens à préciser qu'on n'a absolument pas en avoir honte. Donc tous les intégristes de la laïcité, les lèche-culs des religions monothéistes diverses et variées, vous voyez ce doigt? Vous voyez votre cul? Retournez-vous. Vous pensez à ce que je pense? Eh bien, vous êtes des gros dégueulasses. Voilà. Allez, j'arrête ce mouvement d'humeur, ce qui n'engage que moi d'ailleurs et pas Osmose Radio. Mais on va continuer sur Sol Invictus, qui était le nom d'un culte de l'Empire romain, je vous le disais, qui était aussi, et qui est toujours d'ailleurs, le nom du groupe de Tony Wakeford, un groupe de dark folk que j'aime bien. Et on va écouter un morceau qui est de saison, hein, les arbres en hiver qui tendent leurs branches décharnées vers le ciel. Tout de suite, Sol Invictus avec le titre Trees of Winter. They say that God will come one day. could find that he is dead, dumb and blind. The future waits. Waits with an icy kiss as we stumble towards our nemesis. A sea of loneliness to engulf us. A new suffering waits to choke. They say that love will come one day, but I think we might see it won't come for you or me. À l'instant, la voix de Tony Wakeford sur ce titre, Trees of Winter, les arbres d'hiver, dans son projet musical, donc Dark Folk et Neo Folk, Sol Invictus, le soleil invaincu, donc un des cultes païens dont je vous parlais tout à l'heure. Les cultes païens, c'était tout ce qui précédait la fête de Noël, qui existait bien avant le christianisme, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. En même temps, Noël est aussi une célébration commerciale, on le déplore tous, même si on y participe tous, hein, c'est un fait. Néanmoins, c'était quand même quelque chose d'assez joli, avec toutes les traditions. Alors nous, ici en Provence, on en a de jolies, les 13 desserts, la crèche avec les santons, patins, couffins, tout ça, c'est mignon tout ça, même sans forcément que ça fasse partie de notre héritage culturel ou pas d'ailleurs. Il se trouve que dans d'autres parties du monde, ils ont de jolies traditions aussi, notamment dans l'héritage anglo-saxon, hein, que j'ai illustré dès le début de l'émission. Et ils ont des cantiques comme ça que je trouve vraiment très jolies, notamment « The Carol of the Bells », qui est une petite musique que vous connaissez tous, pour l'avoir entendue dans des films ou quoi. Et c'est vrai que le Carol of the Bells, c'est une musique qui a vraiment une histoire assez particulière, dans la mesure où elle a été composée telle qu'on l'entend aujourd'hui par un musicien ukrainien du début du XXe siècle qui s'appelait Mykola Leontovitch. Ce mec-là était plus ou moins musicologue, plus ou moins ethnologue, et en fait, il avait fait des recherches dans les campagnes ukrainiennes, des recherches sur les chansons populaires et les chansons folkloriques des paysans, du petit peuple, etc. Et il se trouve que cette chanson, qui est en version ukrainienne, s'appelle Shredik, a été exportée, entre guillemets, passez-moi cette vilaine expression, a voyagé jusqu'aux États-Unis avec les immigrés ukrainiens qu'ils étaient juifs ou ukrainiens d'ailleurs, qui fuyaient un petit peu la misère dans l'empire tsariste pour aller tenter leur chance aux États-Unis. Et c'est comme ça que Carol of the Bells est devenue une part de la tradition anglo-saxonne et plus particulièrement américaine. Voilà. Et donc, cette jolie musique a été reprise, parodiée maintes fois, et notamment une parodie que j'aime bien par des allumés qui se sont amusés à lovecraftiser des tas de chansons comme ça. Je m'explique. Lovecraft, c'est un auteur fantastique américain qui est quand même assez phénoménal et dont le style est tout à fait particulier. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment un auteur fantastique reconnu du XXe siècle. Et ce mec-là a créé toute une mythologie de monstres, etc. Notamment le dieu qui vit dans les fonds des océans et qui attend son heure pour réduire en esclavage tous les humains, c'est le dieu Cthulhu. Et donc ils sont amusés comme ça à mixer l'imaginaire de l'écrivain Lovecraft et toutes les traditions musicales liées à Noël, tout ça dans une petite compilation que vous pouvez écouter sur internet et dont je vous mettrai les liens évidemment. Et donc ce soir, je vous propose d'en écouter un extrait de ce délire musical et culturel entre littérature fantastique, esprit parodique et tradition de Noël, The Dagon Tabernacle Choir, la chorale de Dagon, qui est un des dieux maudits de ce panthéon de Lovecraft, avec le titre The Carol of the Old Ones, la chanson des anciens. Look to the sky way up on high, there in the night, stars on a ride, beyond the past, now then at last, prison walls break, gold guns away, they will return, mankind will learn, new kinds of fear, when they are here, they will reclaim, all in their name, hopes turn to black, when they come back, ignorant fools, mankind the rules, where they will pick, it's those again, stars, perfect, holy, boiling, and children, food of returning, season of doom, scary, scary, scary, scary solstice, very, very, very scary solstice, up from the sea, from underground, down from the sky, they're long gone, they will return, mankind will learn, new kinds of fear, when they are here, look to darkness, the rain, terror and pain, woes without end, where they extend. Clear for a pool's bend by the rules, where still the dense blessedness against us, badly burning fire in a tomb, blood on returning seas in a dune. On dit ressort. Jack veut qu'on le fasse tous ensemble. Qui se ressemble? Ça semble toujours pour les mauvais tours. La la la la la la la la la la la. Il viendra le renifler, mais on sera là pour la refermer. Non, moi j'ai un meilleur plan pour attraper ce vieux sacripant. Faut le faire bouillir dans une marmite et le manger avec des termites. Qui n'appelle pas oreille, le jeter dans un trou et lui chatouiller l'orteil pour le rendre fou. Si Monsieur Oogie Boogie a faim, suffira de lui envoyer. Il pourra le faire cuire à point avant de dévorer, oui! Moi je dis qu'il faut mettre un canon juste devant sa porte d'entrée et on le fera exploser comme ça, on sera sûr son compte est bon! C'est complètement débile, si on le transforme en chair rabattée, ce sera plus qu'un fossile et Jack nous fera la tête au carré! Kidnapper le perce-oreille et l'emmener en mer, le lancer dans l'océan pour qu'il touche les terres. Parce que Monsieur Oogie Boogie est le prince des cauchemars. Si j'étais sur sa liste noire, je m'en irais d'un. Il faut vraiment qu'on réussisse. Il nous donnera peut-être des saucisses. Peut-être même qu'il nous donnera un pot. Des gelées de crapaud. On est à son service et on en est vraiment fiers. On fait tout pour qu'il nous aime, pas qu'il nous jette la pierre. Mais quel boulet, ces deux crétins! C'est pas moi le boulet! Pas pour toi! Tais-toi! Toi-même! J'ai trouvé, écoutez-moi, c'est vraiment génial pour une fois. On va lui envoyer ce cadeau accompagné d'un petit mot. Mais ce sera comme le cheval de Troie, et quand sa curiosité le poussera à ouvrir la boîte, on sautera sur lui, 1, 2, 3! Kidnapper le perce-oreille pour l'écrabouiller, le verser dans une bouteille avant de la fermer. Ben quoi, on a beau être des adultes, on peut retomber en enfance, nous aussi, de temps en temps, c'est la période si prête après tout. Et c'était à l'instant, vous l'aurez reconnu évidemment, la musique de Danny Elfman qui avait été composée pour le magnifique film de Henry Selick et Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment. Je ne pouvais pas faire une émission sur Noël sans faire un clin d'œil à cette magnifique bande originale. Et c'était donc à l'instant le perce-oreille, hein, kidnapper le perce-oreille. Vu que les enfants ont fait une confusion et au lieu de comprendre le Père Noël, ont compris le perce-oreille. Voilà, je vous invite à revoir ce magnifique film si vous voulez en savoir plus sur ce jeu de mots. C'était enchaîné juste avant avec une chorale fictive, hein, The Dagon Tabernacle Choir, avec le titre The Carol of the Old Ones, le cantique des grands anciens, les grands anciens étant les dieux maudits du panthéon littéraire de l'écrivain fantastique Lovecraft. Voilà, on va aller tout doucement vers la fin de l'émission, il est déjà 8h10, chers amis, décidément que le temps passe vite quand on s'amuse, et on va aller vers des choses un petit peu plus calmes avec une reprise d'un très très joli morceau, là encore, par le groupe finlandais Nightwish, un groupe de power metal, de metal symphonique, un style que j'ai pas vraiment en affection, mais je fais une exception pour ce groupe-là, allez comprendre. Et donc à l'époque où Tarja Turunen, une très très belle chanteuse, qui vient de l'opéra d'ailleurs, puis qui a fait du metal avec ces gens-là, en Finlande, les gens ne sont pas aussi cloisonnés qu'ailleurs peut-être. Et donc Nightwish a su faire une très très jolie reprise d'un titre titre anglais qui avait été composé au début des années 80 pour un film d'animation qui s'appelait The Snowman, le bonhomme de neige, en 1982 par Howard Blake, et le titre s'appelait Walking in the Air. Et le compositeur de ce groupe-là, Nightwish, Tuomi Turonen, un truc comme ça, enfin un nom finlandais imprononçable, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir vous le dire mieux. Donc ce gars-là, qui est claviériste de Nightwish, avait beaucoup aimé cette chanson quand il était petit, il avait envie de la reprendre, et ça a donné donc sur l'album Ocean Board en 1998, la reprise de Walking in the Air par Nightwish. I'm holding very tight. Nightwish avec le titre Walking in the Air. C'était une reprise de Howard Blake pour un film qui était sorti au début des années 80. Voilà, pour aller tout doucement vers la fin de cette émission. Écoutez, chers amis, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, pas la semaine suivante non plus. C'est la trêve des confiseurs. Je vous donne rendez-vous en 2015. Et sinon, pour ce qui est des soirées, vous en avez sans doute deux prévues de votre côté. Sinon, ce week-end, samedi soir, vous aurez à l'Aquaba l'étrange Noël qui devient une tradition. Encore dans la région, puisque l'Aquaba organise son étrange Noël, sa surboom de la fin de l'année, avec différents DJ, avec un buffet, avec de la bonne musique et de la danse toute la nuit. Si le cœur vous en dit, chers amis, ce sera samedi soir à l'Aquaba. Voilà. Pour nous quitter, chers amis, je voulais rendre là encore hommage aux cantiques traditionnels, qu'ils soient anglo-saxons. Ils auraient pu être d'ailleurs, il se trouve qu'ils sont anglo-saxons, avec une chanteuse canadienne que j'aime beaucoup, Lorena McKennitt, avec un extrait d'un album qu'elle avait sorti en 1987, To Drive the Cold Winter Away, sur lequel elle reprenait des tas de chansons traditionnelles anglaises notamment, mais qui ont souvent des origines sur le continent européen. Et toujours est-il que quand j'écoute ces chansons là, surtout avec cette magnifique interprète là, j'ai l'impression qu'on pourrait tous se sentir concernés, quel que soit l'arrière-plan culturel. Voilà, Lorena McKennitt avec le titre In Praise of Christmas. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, chers amis, mes petits loups passés. Soyez prudents si vous sortez, si vous picolez, faites pas les deux en même temps ou faites-le prudemment. Et je voudrais moi vous retrouver en 2015 pour une nouvelle saison de L'Heure du Loup sur Osmose Radio. Thank you. Christmas tide comes here.